Bisexe neuf, activation orale, métier, au masculin et au féminin. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... 1. Il est technicien. Et vous dites au féminin... Elle est technicienne. 2. Il est acteur. Elle est actrice. 3. Il est musicien. Elle est musicienne. 4. Il est informaticien. Elle est informaticienne. 5. Il est pharmacien. Elle est pharmacienne. 6. Il est conducteur de tracteur. Elle est conductrice de tracteur. 7. C'est un aviateur. C'est une aviatrice. 8. C'est un grand explorateur. C'est une grande exploratrice.